Eh bien, ce jour, c'est le dernier de notre série consacrée à Soulages, avec l'un de ses correspondants, Michel Pastoureau. Je suis heureux d'être arrivé à ne pouvoir faire que de la peinture, d'essayer d'arriver à ne pouvoir que peindre. Soulages, dernier épisode, avec Michel Pastoureau, Lumière sur le noir. Pourquoi peignez-vous toujours avec du noir? Ah, là, si on cherche la raison ou les raisons, on peut toujours en trouver. Je crois que la seule réponse que je puisse faire à cette question, c'est parce que. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Il ne faut pas attendre théorie, ni idéologie, ni définition d'un projet. Chez Soulages, c'est le modus operandi qui compte parce que. Michel Pastoureau, bonjour. Bonjour. Parce que. Pourquoi vous intéressez autant à la couleur? Vous dites souvent qu'enfant, vous pataugiez dans les tubes, vous faisiez des cochonneries dans les ateliers d'artistes, et que peut-être là, une vocation était née. Probablement, oui. Dans ma famille, plusieurs artistes peintres, mes grands-oncles, qui avaient en effet des ateliers d'artistes, et puis du côté de mon père, des amis surréalistes, peintres, ayant aussi leurs ateliers. Aucun ne gagnait bien sa vie avec la peinture, mais pour un jeune enfant, c'était un terrain de jeu magnifique, un atelier d'artistes. Alors vous avez commencé, je parle pas de vos livres sur les animaux, de vos livres sur l'héraldique, de toutes sortes d'autres travaux parfois moins plaisants. Vous aimez bien le jubilatoire, hein, dans le. Oui. Moi, j'aime me faire plaisir quand j'écris, quand je fais mes recherches et quand j'enseigne aussi. Vous avez commencé avec le bleu, puis est venu le noir. Les deux sont indissociables. Vous me direz que les couleurs vont tout ensemble, d'ailleurs. Oui, une couleur ne vient jamais toute seule. Elle ne prend du sens que pour autant qu'elle est associée ou opposée à une ou plusieurs autres couleurs. Et votre dernier livre sur ce registre, c'est toujours au seuil, c'est un livre sur le jaune. Mais on va faire notre trajet en compagnie de Soulages, le long du noir. Je dis en compagnie de Soulages parce que ça va être un peu une ombre. C'est important les ombres, ça donne du relief. Bien sûr, c'est important en peinture, c'est important dans la vie tout court, et le noir entretient des rapports étroits avec l'ombre. Alors l'ombre de Soulages, on l'entendra régulièrement dans cette émission. Dans le premier son, brièvement, parce que c'est Pierre Encrevé, son historiographe, l'homme de son catalogue, l'homme qui a commencé à préparer l'exposition du Louvre qui a lieu maintenant, c'est Pierre Encrevé qu'on va entendre, il vient de disparaître. J'aime beaucoup les fresques dans les grottes. Hein. Ce sont les peintres dont ils se sentent le plus proches. C'est les seuls peintres qui sont pour lui comme des frères. En particulier pour une chose qu'il est le premier, je crois, à avoir souligné, c'est que ces grottes étaient totalement sombres, totalement noires, une obscurité absolue. Et il s'enfonçait tout au fond de la terre, au plus sombre, au plus obscur de la terre, pour peindre en noir. Ils auraient très bien pu peindre en blanc, il y avait de la craie affleurée partout. Non. Il faisait brûler du bois, et il faisait du charbon, et il peignait au charbon. Et c'est une chose très très étrange tout de même, d'aller peindre en noir dans le noir. C'est quelque chose qui pour lui, pour nous tous, quand on l'entend d'ailleurs, quand on le remarque, a une signification tout à fait extrêmement profonde, énigmatique, mais très très profonde. Le noir, pour moi, c'est la couleur d'origine. Couleur d'origine qui nous reporte à nos origines. Et c'est ce qui m'intéresse dans cette couleur-là. On commence avec les grottes. Vous aimez bien les grottes, au fond desquelles, dans le noir, on peint une conviction lumineuse. Oui, au fond des grottes, il y a une géographie, une topographie à faire dans les grottes peintes du paléolithique. Et en général, le plus important se situe tout au fond, là où il fait très sombre. Gardons à l'esprit quand même qu'il y a des torches qui existent à cette époque, qu'on doit conduire jusqu'au fond de la grotte. Le problème de la torche, comme d'ailleurs de toutes les lumières jusqu'à l'apparition de l'électricité, c'est l'impossibilité d'éclairer de manière uniforme une grande surface. Donc il y a toujours des zones assez bien éclairées et d'autres qui sont dans l'ombre jusqu'au XIXe siècle et même un peu au-delà. C'est essentiel dans la peinture et il faut s'en souvenir. Nous, avec nos spots, on éclaire de manière quasiment uniforme une très grande surface, notamment dans les grottes. Ça n'était pas du tout comme ça. En outre, les matériaux utilisés, y compris les pigments noirs, ne sont pas uniformes, ne sont pas homogènes, ne donnent pas des couleurs unies. Donc, dans les noirs, sur les murs de la préhistoire, il y a des effets lumineux. Il y a des zones mates, des zones brillantes, il y a des trous, il y a un peu de tout. Et la lumière des torches fait parler différemment ces différentes zones. Et puis alors, ce qui est agréable pour quelqu'un qui s'astreint, comme vous, à la discipline du texte, c'est que là, il n'y a pas de texte. Alors on peut éclairer ce qu'on veut. Ah oui, ça c'est très important parce que un des défauts majeurs de l'histoire de l'art, c'est de ne pas regarder les œuvres ou de ne pas leur faire confiance et de ne prendre une information que pour autant qu'elle est confirmée par un texte. Avec la préhistoire, on a des œuvres d'art, des images, on n'a pas de texte, donc on n'est pas tenté de plaquer sur ces images des informations tirées des textes. Et méthodologiquement, c'est exemplaire pour les époques postérieures aussi. Alors on va aller chez vous maintenant, toujours accompagné de l'ombre de Soulages. Chez vous, c'est quand même le Moyen-Âge, c'est là que vous êtes le plus à l'aise. Je suis chez moi, oui. On peut faire un peu d'anachronisme, on a dit que c'était ni un trajet ni un projet. Voici un extrait du septième saut. Alors c'est le film de Bergman que vous citez souvent dans votre livre sur le noir. C'est un chevalier qui est revenu vivant des croisades, et voilà que se présente la mort qui le requiert. Alors il lui propose de jouer avec elle le temps de retarder l'échéance au jeu d'échecs. Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. Det vet jag. Är du beredd? Min kropp är rädd. Inte jag själv. Sauf que le jeu d'échecs, il était peut-être blanc et rouge. Oui, il est noir et rouge à l'origine. Ou quand, noir et rouge. Quand il apparaît en Asie, dans le nord de l'Inde, au VIe siècle, mais en se déplaçant vers l'Occident, en traversant la culture perse puis arabo-musulmane, les couleurs changent et arrivé en Occident vers l'an 1000, noir contre rouge, ça ne signifie pas grand-chose. Donc on change une des deux couleurs et dans un premier temps, on abandonne le noir pour faire rouge contre blanc parce que c'est le couple d'opposition le plus fort dans la culture occidentale. Depuis l'Antiquité gréco-romaine, et ça va rester un camp rouge contre un camp blanc, au fond jusqu'à la fin du Moyen-Âge, quand le noir deviendra le principal contraire du blanc, c'est l'imprimerie qui a fait beaucoup pour ce faire, et donc le jeu moderne, blanc contre noir, se met en place au XVe, XVIe siècle. Le squelette blanc de la mort sur fond noir. Voilà, on a une triade qu'on rencontre très très anciennement, blanc, rouge, noir, ce sont trois couleurs qui ont longtemps compté plus que les autres, ça ne veut pas dire que les autres n'existaient pas, mais blanc, rouge, noir, symboliquement, ça pèse d'un poids très lourd jusqu'à des époques avancées, peut-être même jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, j'observe que dans le studio de France Inter, on voit du rouge, du noir et du blanc. Dites-moi, le noir, il prend une couleur de deuil, je ne veux pas dire dans le studio de France Inter, mais au Moyen-Âge, c'est l'affliction, c'est... Oui, toutes les couleurs sont ambivalentes, ont leur bon et leur mauvais aspect. Le noir n'échappe pas à la règle. Il y a un bon noir, hein, c'est celui de la dignité, de la tempérance, de l'humilité, de l'autorité, du luxe aussi. Et puis un mauvais noir, c'est celui de la faute, du péché, de la tristesse, du chagrin et de la mort liée au monde souterrain et au domaine de la nuit, au ténèbres. Il y a ces deux noirs-là qui cohabitent dans la culture occidentale. C'est pas ainsi que l'entend Soulages. N'oublions pas de rester accompagné par son ombre. Et nous allons aller à Conques. Conques, où la statue de Sainte-Foy est toute dorée. C'est aucunement une Vierge noire. Non, non, ça n'est pas du tout une Vierge noire. Elle a eu à certaines époques plus que du doré, des couleurs de la verroterie, notamment selon l'usage roman, puis même au début du gothique. Mais l'or est omniprésent sur la statue, du vrai or ou du doré. Mais les Vierges noires l'étaient, pourquoi ? En Auvergne, on a des Vierges noires, en effet, la plupart n'étaient pas noires à l'origine, mais ont été noircies par la fumée de se dégageant des torches ou des cierges, des lampes à huile, ou bien ce sont des bois qui ont eu des vertus pour foncer au fil du temps et devenir plus ou moins noirs. Je crois qu'il faut oublier l'idée de culte de Vierges noires. Les vitraux de Soulages en ont remplacé d'autres qui étaient des vitraux historiés. On l'a raconté dans notre émission sur Conques. Et les chanoines prémontrés qui desservent l'abbatiale ont regretté de ne plus célébrer l'office en voyant les reflets des couleurs des vitraux sur les piles. Le curé de Conques n'est pas loin de partager encore ce regret. Ce lieu qui était précieux pour moi, quand les vitraux de Pierre Soulages sont arrivés, eh bien, Pierre Soulages me l'a un peu brisé, quoi. Parce qu'il a fait rentrer la lumière. Ce lieu me plaisait parce qu'il était sombre, caché, obscur, même si je devinais la grandeur, la magnificence de l'architecture. J'aimais cette obscurité. Et la lumière qu'a donnée Soulages, sur le coup, m'a été plutôt une agression. Je ne reconnaissais plus l'abbatiale de Conques telle que je l'aimais. L'évêque m'a nommé curé de la vallée, donc j'ai été amené à venir souvent célébrer ici, et c'est là que j'ai eu le temps d'admirer les vitraux, de découvrir, en plus de la lumière qu'ils donnaient, qui permettait de découvrir l'architecture, l'harmonie des lignes de Soulages avec l'architecture de l'abbatiale. Et quand on sait y passer la journée, on voit l'écoulement du temps par le changement de la lumière avec les différents offices qui scandent la vie monastique. Soulages d'ailleurs fait des recommandations. Une architecture comme celle-là, c'est une architecture dans laquelle il ne faut pas passer 3 minutes et puis s'en aller. Il faut vivre une journée, au moins une journée avec. Plusieurs journées, même. Ce sont des lieux qui ont été faits pour une fréquentation paisible. C'est pas ce que, en général, on fait de nos jours, malheureusement. En tout cas, il faut que je... Tout à l'heure, j'ai rencontré le maire de Conques, dont dépend ce bâtiment. Il faut que je lui dise qu'il peut retirer toutes ces lampes qu'il avait mises pour qu'on puisse voir cette architecture qui était absolument invisible avant. Et ces lampes dont on n'avait sûrement pas besoin au XIIe siècle. Documentaire de Pierre Berthomieux et ici de Jean-Noël Christiani. Pas de spot non plus que dans les grottes. Dans les grottes, dans les églises du Moyen-Âge, même dans la chapelle Sixtine, par exemple, on a restauré à grands frais, de manière un peu tapageuse, les voûtes peintes par Michel-Ange et par ses élèves à la fin du XXe siècle, on les a restaurées. On a dit qu'on avait retrouvé les couleurs de Michel-Ange, certes, mais on a tout éclairé avec des spots, donc ce qu'on gagne d'un côté, on l'a perdu de l'autre. Mais comment faire en plein XXe siècle finissant? On peut pas remettre des lampes à huile dans la chapelle Sixtine. Dans des problèmes difficiles à résoudre. En tout cas, Soulages a raison quand il dit qu'il faut rester longtemps dans une église. Un vitrail, c'est fait pour s'animer avec la course du soleil et le cycle des saisons. Ça bouge, c'est cinétique. Étudier les vitraux à partir de photographies, comme le font mes étudiants par exemple, évidemment on perd une grande partie de la dynamique du vitrail et de ce pourquoi il est fait. Saint Bernard ne voulait pas d'ornementation dans les églises cisterciennes, les vitraux y étaient très simples. D'ailleurs, Soulages est allé visiter l'abbaye de Bazine, célèbre pour ses vitraux gris cisterciens. C'est un art cistercien, disait Duby, Soulages, que celui de vos vitraux. Oui, je pense que Georges Duby avait tout à fait raison. Il y a un cousinage entre les morales et pratiques cisterciennes du vitrail, mais aussi de l'Église d'une manière générale. Saint Bernard et quelques continuateurs ont l'idée que la couleur, ça n'est pas de la lumière, c'est de la matière. C'est-à-dire quelque chose qui fait obstacle entre le fidèle ou le moine, qui est ici-bas dans l'église, et la divinité qui est en haut, et ça gêne, c'est un obstacle. Saint Bernard va même jusqu'à parler de la cécité des couleurs. Les couleurs rendent aveugles. Donc on chasse les couleurs du temple dans les églises cisterciennes, et on pratique le blanc, le gris, le camailleux, le grisé, le grisaille, la grisaille, pour ce qui est des vitraux. Et à Conques, en tout cas pour ce qui est des vitraux de Soulages, il y a vraiment quelque chose qui va dans le même sens, qui laisse passer la lumière. Évidemment, ces vitraux sont difficiles à photographier. Pour bien se rendre compte de l'œuvre de Soulages en matière de vitraux, il faut aller sur place. Il ne faut pas se contenter de reproductions dans des livres ou des magazines. Et cela se fait au prix d'une certaine austérité. Au prémontré qui lui disait « ça manque de couleur », il répondait « nous ne sommes pas dans une boîte de nuit ». Cette austérité, elle vous convient? Vous la recherchez? Elle vient naturellement des choix, ou des décisions plus exactement. Je préfère le mot de décision au mot de choix. Le mot de choix sous-entend une espèce de conscience de ce que l'on fait. Quand on choisit, on pèse le pour et le contre, on élit quelque chose. Alors que, dans mon cas, ça fonctionne d'une manière beaucoup plus inconsciente, qui touche probablement à des choses difficiles à élucider. Il ne s'agit pas de choix, je préfère le mot de décision. Et dans les décisions qui m'ont amené à cette peinture-là, il est certain que l'effet d'austérité a dû jouer. Austérité, silence, en tout cas, ce sont des mots qui me conviennent et dans lesquels je trouve ce qui m'intéresse. Et je trouve ce dont j'ai besoin, je devrais dire. Dans une époque comme celle que nous vivons, qui est envahie par le bruit, par le bruit des images, le bruit des mots. Voilà, pas de fatalité, l'exercice de la liberté. On va laisser, si vous le voulez bien, Michel Pastoureau, l'ombre de Soulages s'éloignait, c'est la fin de notre série. Et j'aimerais bien parler avec vous du noir dans la peinture. Alors, vous expliquez qu'il y a eu un moment de gravitas, pas seulement d'austérité, au XVIIe siècle, par exemple à la cour des Habsbourg. Vous expliquez que le siècle des Lumières ne privilégiait pas le noir. Et on fait un excursus, notre trajet est libre. Nous arrivons au romantisme, peut-être que la sonate au clair de lune, ici interprétée par Vladimir Horowitz, c'est déjà du romantisme, les soleils noirs de la mélancolie. La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter. Ce qui est bien avec Soulages, qui a 100 ans, c'est qu'il se projette déjà dans l'année qui vient. Alors l'année qui vient, c'est l'année Beethoven. Et puis l'année qui vient, c'est celle où Louvre lance une exposition sur les soleils noirs, qui double donc l'exposition Soulages du Louvre Paris. Oui, l'époque romantique a eu le culte de la couleur noire, ou plutôt la deuxième époque romantique. Le premier romantisme, celui de la fin du XVIIIe siècle, c'est plutôt le bleu, c'est l'habit bleu de Werther, c'est la fleur bleue de Novalis. Mais ça bascule à partir des années 1810, en Allemagne comme ailleurs, et on arrive en effet à Nerval, au soleil noir de la mélancolie. Je tiens d'ailleurs... Redites-le, parce que vous tenez beaucoup à cette strophe. Oui, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Voilà, mais dites-le mieux que moi. Je tiens Nerval pour le plus grand poète français. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Je crois qu'on n'a jamais, à part Racine, je pense qu'on n'a jamais fait plus beau dans la poésie française. Soleil noir, c'est donc le titre de l'exposition du Louvre-Lens, qui fait se juxtaposer des peintres du XXe siècle, débutants et finissants, et des peintres plus anciens. Oui, il y a de grands peintres des Noirs, ça commence très tôt. Hein. On peut remonter au XVe siècle, il y a déjà des peintres des Noirs. Le noir fait parler la couleur, d'ailleurs, c'est un... assez étonnant de voir que des très grands coloristes comme Raphaël, comme Rubens, plus tard comme Delacroix par exemple, mettent en valeur leurs couleurs parfois violentes grâce à des noirs. On ne retrouvera pas ça chez les impressionnistes qui eux s'abstiennent du noir, fuient le noir, remplacent par des tons parfois foncés, mais il y a ce refus du noir et c'est une idée qui vient de la science au fond, de Chevreul et de ses continuateurs. Le noir n'est pas une couleur. On est à une époque, là, à l'horizon des années 1860, 80, 90, où l'art, et spécialement la peinture, est un peu esclave des théories scientifiques. Ça ne va pas durer. Oui, mais en même temps, la photographie et la radiographie, c'est en noir et blanc. Est-ce que d'ailleurs, le 19e siècle, qui tient tellement à ses découvertes, n'est pas atteint de ce qu'on appelle l'achromatopsie ? C'est-à-dire voir le monde en noir et blanc. Oui, il y a des raisons. Hein. Le XVIIe siècle était un siècle très sombre, le XIXe siècle est un siècle très sombre. Entre les deux, on a eu une oasis colorée qui était le siècle des Lumières, qui est aussi un siècle des couleurs. Mais le XIXe siècle, avec la seconde révolution industrielle, la fumée des usines, les pratiques vestimentaires qui, au moins dans la deuxième moitié du siècle, jouent beaucoup sur le noir pour ne pas trop qu'on voit justement les salissures, au moins dans les villes, provoquées par le monde industriel, conduit à avoir beaucoup de choses en noir et blanc. Il y a des raisons morales, il y a des raisons scientifiques, il y a des raisons techniques. Hein. Du point de vue moral, le grand capitalisme est aux mains de protestants, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, qui véhiculent des valeurs protestantes, et en matière de couleurs, distinguent des couleurs honnêtes, le noir, le blanc, le gris, le brun, et puis des couleurs déshonnêtes, des couleurs trop vives, le rouge, le vert et le jaune spécialement. Ça a des conséquences dans les pratiques de la vie quotidienne, les premiers appareils ménagers, les premiers appareils photos, les premières voitures, tout ça aurait pu être en couleurs vives, hein, la chimie des colorants le permettait, mais pour des raisons morales, on est resté dans un axe noir-gris-blanc, plus la photographie, bien sûr, qui en rajoute une couche, c'est du noir et blanc, du noir-gris-blanc, parfois un peu sépia, mais pour que la photographie en couleur, qui est prête assez tôt, mais qui ne se développe auprès du grand public que beaucoup plus tard, on a en effet un siècle qui cultive le noir. Mais avec une polémique constante autour du noir, vous parliez des impressionnistes. Je voulais finir avec un témoignage de Sacha Guitry sur Monet. C'est une scène souvent racontée. Nous sommes à la fin de la vie de Monet à Giverny. Et Clémenceau, son grand ami, est très attentif à ces derniers moments. Un jour que je venais le voir, Blanche Monet, sa belle-fille, le dévouement personnifié, m'a dit « Bah, vous arrivez bien, venez vite, il est dans un état épouvantable. » Il était là, tout seul dans son grand atelier, devant sa palette, et il semblait terrassé par le malheur. Nous nous sommes embrassés, puis, me prenant les mains, il m'a dit avec une intonation de voix déchirante « Mon pauvre ami, je ne vois plus le jaune. » Quelques jours plus tard, il était à l'agonie. Vaincu, il avait appelé la mort. Et Monet mourut dans les bras de Clémenceau. Pendant 2 jours, Clémenceau dormit dans la chambre voisine de celle où reposait son vieil ami. Silencieux, émouvant, il assista à la mise en bière. Mais quand l'homme des pompes funèbres voulut recouvrir le cercueil du voile noir traditionnel, Alors Clémenceau le lui prit des mains en disant non. Puis, ayant regardé tout autour de lui, il alla à la fenêtre, arracha un des rideaux de toile fleurie, et lui-même, il en couvrit le cercueil du grand peintre en disant à mi-voix, « Non, pas de noir pour Monet, le noir ce n'est pas une couleur. » Michel Pastoureau. Oui, ce faisant, Clémenceau est de son temps, à une époque où le noir et le blanc, pour la physique mais aussi pour la création artistique, parfois ne sont pas considérés comme de vraies couleurs. Et puis, avec Monet, bien sûr, et les impressionnistes, on a affaire à une couleur qui, en général, est absente de leur tableau. Il n'y a pas de noir chez les impressionnistes, c'est voulu. On le remplace par des couleurs sombres. Ça va durer encore quelques temps chez les post-impressionnistes, même jusque chez les fauves, au fond. Et puis ce sont les avant-gardes, à partir des années 1910, qui vont remettre le noir dans la peinture. Alors parmi les avant-gardes, Mondrian, qui fait aussi l'objet d'une exposition à Paris, on peut dire qu'il est contemporain dans ses première production, il s'installe à Montparnasse en 1912, de Monet dans ses dernières productions. Serge Lemoine. Plutôt que d'avoir des couleurs, on ne sait pas lesquelles, toutes les couleurs, on ne sait pas non plus lesquelles, donc la gamme colorée de Mondrian est réduite à ce qu'il appelle les couleurs primaires, c'est-à-dire le rouge, le bleu et le jaune, qui doivent être utilisées donc séparément et en même temps qui ne doivent pas être utilisées, si vous voulez, d'une façon égale. Parce que si on met des surfaces ou des quantités égales, ça peut donner des compositions qui soient symétriques ou équilibrées sans tension. Donc, dans les tableaux de Mondrian, il y a toujours une couleur qui domine, mais qui ne domine pas plus qu'il ne le faut, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, mettons du rouge. Ensuite, il y a un peu moins de bleu et le jaune est toujours à l'état de rappel. Donc, il y a les trois couleurs, mais pas en quantité égale. Et naturellement, les trois couleurs sont disposées dans le plan en fonction des directions, de telle sorte que on obtienne à la fois de la tension, du contraste et de l'équilibre. Toujours à la recherche de l'équilibre. La recherche de l'équilibre étant pour lui la recherche aussi de l'harmonie. Et donc, ces couleurs rouge, bleu et jaune, ces couleurs primaires, qui ne sont pas mélangées, elles vont être en quelque sorte accompagnées par ce qu'il appelle des non-couleurs, c'est-à-dire du noir, du blanc et un certain nombre de gris, une gamme de gris. Toujours dans des surfaces, en quelque sorte. Ces surfaces n'étant pas limitées par du tout par les lignes. Donc il y a ce jeu, si vous voulez, ce rapport et cette tension entre les lignes horizontales, les lignes verticales et les surfaces de couleurs. Oui, mais il y a toujours cette idée que le noir est une non-couleur. C'est une idée qui s'accroche, impossible à extirper. Oui, moi je l'ai encore appris à l'école primaire, que le noir et le blanc n'étaient pas des couleurs. Mais je pense quand même que assez tôt, fin 19e, début 20e siècle, des artistes, des créateurs, des stylistes ont rendu au noir et au blanc leurs lettres de noblesse. Et puis les physiciens eux-mêmes, peu à peu, sont revenus sur cette idée avec le Big Bang initial, la matière noire, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul physicien qui nierait que le noir soit une couleur. En fait, dans la culture occidentale, il y a bien six couleurs. Le noir, le blanc, le rouge, le vert, le jaune, le bleu. Mais juste une colle pour finir. Soulage, il a commencé à peindre des arbres noirs quand il était petit. Mais quand vous regardez la terrasse que cultive votre femme ou le jardin que cultive votre femme, il n'y a pas beaucoup de végétaux noirs. Non, il n'y a pas beaucoup de végétaux noirs, mais il y en a quand même l'écorce de certains arbres, des végétaux qui n'étaient pas noirs à l'origine et que la décrépitude ou le climat a rendu de couleur, disons, foncée. C'est le problème, comment on passe du très sombre vers le noir. En outre, dans la nature, il est très rare d'avoir des couleurs uniformes, rien n'est uni. Donc il y a toujours des jeux, quand on regarde de très près, de camailleux, de déclinaisons de couleurs, y compris pour le noir. Donc on a fini en parlant de la nature, ce qui s'impose cette année. Merci à vous Michel Pastoureau. Je rappelle que tous vos livres sur presque toutes les couleurs sont publiés aux éditions du Seuil. Frédéric Martin, Franck Olivard, Ilinka Negulesco, Adèle Kaito pour la préparation. À la technique, Jérémy Guillon, la réalisation, c'était Audrey Ripouille.